Mon cœur est tombé, il s'est trop penché sur vous. Tito se tenait là, le bout, une écharpe en soie blanche. Bonsoir, en manchette ce soir, le country c'est pas vraiment en poche. La preuve c'est qu'il y a du monde à Saint-Tite qui aime ça. Vous écoutez 70%. Sans bon sens, je donne le minimum. Je sens comme un vrai homme, je file comme un pomme au maximum. 70%, c'est surtout Simon. Simon, il est bon, c'est lui le patron. Simon, Simon, Simon, Simon. Oh oui, moi, Simon, Simon saumon, c'est moi le poisson. 70%, 70%. Pas qu'il aime le baseball. 70%! Simon-Pierre Bilodeau qui a été le premier drop-out de 70%. Premier d'une longue lignée. Et oui. On souhaite qu'il va en avoir plein d'autres, mais sinon, il y en a des fiers, des braves, des durs. Comment t'appelles ça, toi, par chez vous, des Étienne Forêt? Étienne Forêt? Moi, j'appelle ça des excellents DJ. Des excellents DJ. Voilà. Puis tu vas nous présenter quoi aujourd'hui, excellent DJ? Bon, aujourd'hui, j'ai un petit spécial Halloween qui commence cette semaine, qui continue la semaine prochaine, en collaboration avec mon ami Predge, qui est là en train de... qui a un couteau dans les mains, fait que je vais faire bien attention à ce que je dis. En collaboration aussi avec les c'est fêtes païennes. C'est l'Halloween! C'est la plus belle journée de toute l'année. Ouais. La fête de l'amour, où les gens donnent à des inconnus. Non, non, c'est à Saint-Valentin, ça. Vous... oui, vous avez... vous avez reconnu Simon Préjean, il y a Samu juste à côté. Faites attention. Salut! Salut! Virginia fait dire salut. Après ça, on a Rémi Couture. Salut. Hey Rémi, c'est assez débile ton histoire. Moi, je suis content qu'on aille des questions à poser. Est-ce que t'es au stade où t'en ris, là? Non, pas encore. Non, pas encore? Il n'y a pas eu de jugement encore, là. Calice. Je vais t'envoyer ma facture, tu vas me dire Ouais, ok. Donc, on en reparle, Rémi Couture. Moi, j'étais avec toi à 100%. Mon gars, Bruno Corbin, sinon de l'autre bord. C'est ça. En manchette ce soir, Saint-Tite. Ouais, des nouvelles, puis tout. Hey, juste du lait, ça, c'est Emmanuel, bonsoir. David et Johan. Salut, bonsoir. Bonsoir. Ils font dire bonjour. Ben, mm-hmm. C'est ça. Yes. Non, on est passé 18h, on avait statué l'autre fois. Ah oui, c'est ça. Puis les Mexicains ont des grosses têtes aussi. Oui. Des petites ou des grosses? C'était non, c'était des grosses. T'es sûr, il me semble que c'était des petites. Ah, oh, fuck. Je suis 100% certain, il faudrait réécouter les archives. Pas facile d'être raciste. Sinon, après ça, là... Ouais, c'est Israël. Ah, oui. J'ai été voir la NBA, puis comme notre ami David Sedd faisait une chronique parce qu'on s'en fout, moi je vais faire une chronique parce qu'on s'en crisse de la NBA. C'était les puissants Knicks contre les Vélos. Ouais, c'était les Knicks de New York contre les Raptors. Vous en rassez tout à l'heure, c'était magique. Et voilà. Puis sinon, ben, Julien Bernatchez qui commence l'émission avec nous. Ben oui. Ouais, ben c'est ma semaine de relâche. Et voilà. Quelle belle meilleure place pour relâcher qu'ici. Hein? Bien sûr, j'ai relâché mon fou aujourd'hui, puis je vous ai déféqué un dossier sur Bazooka Joe. Oh! Ben en fait, yes! Une étude comparative entre... Merci Julien. Ouais, ben je te mentionne aussi. Une étude comparative entre Bazooka Joe et Corto Maltese. Pourquoi un ramasse les éloges et l'autre les railleries? Alors qu'ils se ressemblent pourtant beaucoup. En tout cas, je vais dénoter les différences entre les deux. Ah, enfin, on va pouvoir les différencier. Hey, grosse émission chargée, on a plein de monde. Puis sinon, on a un long métrage qui est également rempli de pas mal de monde. Ça s'appelle « Samedi le 14 ». Concept, j'ai fait une étude tantôt, on va s'en reparler. Sinon, ben, on a eu les visionnements mensuels là, la dernière samedi, puis il y a eu un film qui est vraiment sorti du lot. Ça s'appelle Nudist Colony of the Dead, et puis ils ont fait leur propre tune theme, puis je me suis dit, on va commencer l'émission avec ça. Là. C'est comme une comédie musicale que j'écouterai plus jamais. Là. Sinon, ben, en trame sonore de fond, c'est l'excellente trame sonore de Cowboy Bebop. qui est un des bons mangas parce que ça finit à un moment donné. Ouais. Fait qu'on peut expliquer sur Nudist Colony of the Dead, on vous souhaite un 70% à la hauteur de vos attentes. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. On s'en rappellera au Vietnam à quel point c'était ça. C'est vrai. All the residents are dead. If you visit, you will pay, and your butt will rot away. You may think that it seems crude, but the corpses are all nude. Nudist colony of the dead. Nudist colony of the dead. Better go to church instead. Vous écoutez Edgar Bory. Bonjour, vous êtes à 70%, c'est clair, changez de poste. 819. Shit. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Damn. D'accord. Alors, Estero, en Floride, une femme a été arrêtée après s'être battue à l'intérieur d'une voiture de taxi au Stony Brook Country Club. Les officiers sont arrivés sur les lieux trouvant Jessica Nicole Hincapie et Anna Lemoine en train de se battre. Selon le rapport, les policiers ont demandé à Hincapie de cesser de se battre à plusieurs reprises, mais elle a refusé. Quand les officiers l'ont mis en état d'arrestation, elle a affirmé « Vous allez avoir des ennuis parce que je suis New-Yorkaise et que mon frère travaille pour le CSI et que mon père a payé cash pour ma Toyota Corolla. Je suis trop riche pour aller en prison. Même quand les officiers la mettaient en prison, elle continuait de leur dire qu'ils allaient avoir de sérieux ennuis s'ils l'arrêtaient. Elle a été accusée de conduite désordonnée et c'est maintenant que c'est pas une bonne excuse que t'es trop riche. Ton pedigree ne cache pas grand chose de ta bêtise. Il fut prouvé qu'il était faux que d'être trop riche ne permet pas d'aller en prison. Mais c'est comme, c'est un peu comme notre Michel Richard. Que dans certains dans cas. Dans certains cas. Voilà. Ben, t'en lis-tu une autre? Moi, d'accord, j'aime bien d'accord. Ça, ces affaires-là. Un homme de la province de Jiangsu, en Chine, essayait de récupérer son téléphone cellulaire qui avait échappé dans la toilette et est resté pris. Quand les secours sont arrivés, ils ont trouvé l'homme accroupi au-dessus de sa toilette, son bras submergé jusqu'à l'épaule dans le tuyau. Les secouristes ont alors brisé le bol de porcelaine, faisant attention de ne pas blesser l'homme. Après 10 minutes, l'homme a été libéré, son bras échymosé et coupé. Il a réussi à récupérer son téléphone et appeler les secours. C'est ici que la chronologie de l'histoire fait défaut. Là. Ouais, c'est ça. Un peu étrange. C'est weird. Ça doit être Google Translate, là, je sais pas. C'est peut-être les gars qui ont dit « on n'est pas venu pour rien, mon grand ». C'est ça, appelle-nous, il faut ouvrir un billet, ça. Non, c'est moi qui l'ai inventé la dernière partie. Voilà. Oh! Fait que c'est... Merci Bruno. Non, ça m'a fait plaisir. C'est que Kate, elle vient d'arriver, fait que là, j'ai pensé à autre chose. Allô, Kate! Ça tombe bien, il manquait de monde. Ouais, c'est, ah, c'est vraiment l'émission la plus populeuse depuis Vincent le Métis Vierge. Ouais, cette fois-là, oui, mais ça. Hey, parle-moi, Predge. Parle-y. Ben moi, tu sais, ben, j'ai grandi à Laval. Parle-moi d'affaires qui m'intéressent, Fred. Laval? Les barbares? Non, la semaine prochaine, là, t'as comme un spécial ben de oui, costume. Ben oui, spécial de costume. Fait que là, le 1er novembre, ça va être notre spécial Halloween aux douteux dans les 5 bars. Ça veut dire le Trou du Diable, le Brouhaha, la Nine Cassie, le Boc et Bière, le Bistrot de Lucat. Ça va être capoté ben raide. On va regarder, ça sent en ligne pour que ce soit le film Les Suceurs de sang qui gagne. Là, sauf qu'il y a quand même moyen de remonter à la pente, c'est contre la Maison du Cauchemar. Ça va être difficile, ça vous prendrait 25 votes, mais lâchez pas. En deuxième projection, on va regarder le spécial Halloween animé de Ghostbuster. C'est super bon, je vous le jure. Mais mon psychologue disait que je mentais beaucoup. évidemment, il va y avoir l'extraordinaire concours de costumes auquel vous devez participer. Parce que je vous le redonne. J'ai bien hâte de vous montrer le mien, en tout cas. J'ai trouvé un beau costume. En fait, ma copine m'a trouvé mon costume d'une valeur approximative de 99 cents. Ça va être fabuleux. Il y a plein de prix à gagner, et ça dans les 5 bars. De la bière, des shooters, de la bouffe, des casquettes, des t-shirts et des surprises douteuses. Des pogos, man. Des pogos. À Nin Cassie, vous pouvez gagner des pogos, comment? Que ça va être plus dans la vie. Je sais pas. Puis en plus, vous avez un spécial Halloween avec DJ George pour la radio lundi prochain. Ouais, ça fait on commence va peut-être même aujourd'hui. Aller boire au grimoire une pinte pendant que vous autres vous continuez à vous occuper de la patente. Et voilà. Hey, ça puis là, on a invité de l'Halloween aussi. Là. On a un gars qui fait des effets spéciaux d'Halloween assez réaliste, merci, assez trash, assez heavy. C'est pas mal dans le plus edgy qui existe que de ce que j'ai vu. Puis c'est un gars de chez nous, c'est Rémi Couture. Salut Rémi. Un gars de Laval, tu veux dire? un gars de chez vous d'abord. Un gars de Québec habitant à Montréal. Bon. Comme moi. Là, en ce moment, t'es. En fait, au lieu de tenter ma chance à lancer ce qui se passe avec toi en ce moment, je t'inviterais à nous raconter brièvement dans quelle situation tu es en ce moment. De quoi tu essaies de te défaire, là? Ok, j'essaie de me défaire de des charges qui pèsent contre moi de publication de matériel obscène et corruption des mœurs. Avec des effets spéciaux pourtant là. Ouais, exactement. Suite à mon site internet que j'avais créé, Inner Depravity, qui montrait un tueur en série fictif, bien entendu. Bien entendu. Qui commettait des crimes fictifs, bien entendu. Bien entendu. Que Interpol ont probablement jugé trop vrai ou. C'est du très réaliste, très gore. Ouais. C'est très particulier. Moi, j'adore ça, mais j'aime ça, les cadavres, moi. C'est comme ça, je t'aime bien mourir. Fait que toi, t'es un artiste qui était tellement bon que non seulement t'es rendu à pouvoir vivre de ton art, mais là, il faut que tu survives à ton art. Ben, je ne vis pas de mon art parce que je suis pigiste en effets spéciaux pour mais ça, ça va être... Après ça, mais ça va être réglé, mon gars. Là. Ah, on n'est pas rendu là. Hey, sacrément. Fait que là, il y a des policiers qui trouvaient tes films tellement bons, là, puis qui voulaient tellement te rencontrer, puis avoir ta signature, là, qui se sont dit, on va avoir des charges sur le gars qui est bon pour faire des effets spéciaux. Ça peut pas être des adultes qui pensent que c'est arrivé pour vrai. Ben oui, il y a des gens qui ont cru que c'était vrai. Donc, hey, t'es bon, hein, tabarnak! Ben non, c'est ça l'affaire. T'es carrant, fait que là, le monde pense, là, c'est trop vrai que ce soit des effets parce spéciaux. Parce qu'il y en a plein qui font des affaires gore sur le net, là. Ouais, pas c'est ça, c'est court après tout. La là, question est de savoir pourquoi qu'ils en ont après moi, parce que ce que je fais, c'est pas... C'est peut-être ton nom de famille. Il y a plusieurs qui vont le faire, puis sous une autre forme aussi, mais en mais même ils temps, sont ça moins bons. C'est de la fiction. Mais y a-tu des trucs à tendance sexuelle là-dedans, ou c'est que de la violence? C'est les deux, c'est mixé, c'est parce que moi, je fais référence beaucoup aux tueurs en série. On sait bien que les tueurs en série, à 99%, ils agissent sous l'influence de leur déviance sexuelle. C'est ce qui les pousse à commettre leurs crimes souvent. Soit leur relation sexuelle est souvent avant le crime, ou pendant, ou après. Alors moi, j'ai voulu rester dans le plus réaliste possible. Moi, je vais pour après. Ouais, c'est exact, ouais, c'est vrai, après. Ça, c'est moi, hein? Ouais, non, mais... Pour les autres. Il y en a qui se prennent une cigarette, mais... Fait que c'est quoi, Étienne? Toi, tu dis que parce qu'il y avait des boules puis des pénétrations, ben... Non. Non, c'est ce qu'Étienne disait. Okay, mais en fait, c'est pas parce qu'il y avait des boules, là. C'est juste que ce qu'Étienne, je pense, qu'il essaie de dire, c'est que la déviance du gore dépasse une certaine limite aux yeux de certains... Quand ça en plus, ça va dans la pornographie avancée, au risque de déranger certains, fait certaines qu'un personnes film de qui m'écoutent. De zombies, c'est légal, ça. Bon, mais faut pas oublier une chose, c'est que toutes les scènes sont à connotation sexuelle. On parle ici de simulation, donc on parle d'aucune pénétration. C'est on ça. Ne voit pas le sexe du gars pénétrer. Ah ben, donc c'est suggestif. Alors, lorsqu'on voit, mettons, le personnage, se masturber à côté d'un cadavre, ben, on s'entend qu'on on voit le mouvement parce que le plan de caméra est derrière, donc la personne ne le fait pas pour vrai. On simule le geste. Est-ce que ton site est encore en ligne? Non, c'est ça. Inner Depravity, lorsqu'on va dessus, toute l'histoire est expliquée. Sauf eux m'ont demandé de retirer mon site, mais en même temps, je serais libre de le remettre, puisque moi, je suis hébergé en Californie légalement. Faut pas oublier, pis c'est une chose qui est importante à mentionner aussi, c'est que je ne fais pas affaire à des hébergeurs louches underground. Avec Lunar Page, qui est un gros hébergeur en Californie. Eux, je les ai appelés pour leur mentionner le contenu de mon site. Eux n'y voyaient aucune objection, puisque l'on parle ici de fiction, d'horreur. Californie, qui est le berceau de l'horreur. Ben, ils font des films de porn de zombies, là. Le monde. Du porn de zombies, c'est correct, tu sais, Mais en fait, la jurisprudence là-dessus, ce que ça dit tout le temps, là, c'est quand tu mélanges sexe et violence, gore, c'est là que la ligne est à ne pas franchir, en fait. Parce qu'il y a de la porn en masse, extrêmement graphique, ça. Lorsqu'on mentionne porn, pas de la porn, ouais. Non, mais c'est justement, c'est ça que je dis, c'est qu'il peut avoir de la porn extrêmement graphique, puis ça, c'est correct. Il peut avoir des films hyper violents, puis on en voit, puis il s'en produit des blockbusters, puis très gore, puis même très réaliste, puis c'est correct. Mais dès qu'il y a les deux dans le même si c'est que suggéré, c'est là que... Mais le porn de c'est là le problème, c'est là qu'ils ont de la misère. On va regarder, mettons, The Last House of the Left. La scène de viol, assez puissante. Millennium, la scène de viol dans le premier est assez perturbante. On parle aussi de violence, on parle... Irréversible aussi, c'est irréversible. On peut en nommer... Le film I Spit on Your Grave, c'est un vieux rape. Mourir à tue-tête. Non, donc c'est pour ça que la loi, on m'accuse pour une loi qui date de, je sais pas, 40 ans ou plus. Mais je suis sûr qu'il te laisserait amener ton cheval à la cour puis qu'il s'en occuperait, par contre. C'est juste, l'absurdité là-dedans, c'est que si on applique cette loi à la lettre, on devrait enlever... Chris, merde. C'est parce qu'à la lettre, en fait, loi, évidemment, dit juste on n'a pas le droit de corrompre les mœurs. Puis là, à la lettre, ça s'applique pas en tant que tel à aucune lettre parce qu'il faut... décider à partir de quand de la corruption, puis là, ben, c'est là qu'il y a des batailles légales qui peuvent durer, puis c'est très subjectif. Mais c'est pour ça que ça va être bien intéressant de voir comment ça va finir ton affaire, parce que c'est sûr que ça va faire jurisprudence, puis ça va trancher une ligne en quelque part qui va déterminer à partir de là qu'est-ce qui va arriver avec toutes les autres. Fait que t'es un pionnier. Parce que selon la loi, ils disent c'est illégal de représenter une scène de crime fictive. Ouais. Regardez. Ouais. Comme si on inventerait des faux moteurs qui s'appelleraient... Mais ça, est-ce que c'est là-dessus qu'on te charge? Publication de matériel obscène, parce que eux, c'est tout ce qui engendre l'obscénité, obscène. C'est tout ce qui est à connotation sexuelle et violence. Ouais. Donc, une scène de viol dans un film, un viol, c'est violent en partant. Oui, c'est ça. C'est sûr. Comment peut dissocier les deux? Comment dire, un viol, c'est fait de façon très... ça dépend de l'ambiance simple, en réalité, puis comment les gens se sentent en le voyant. Fait que c'est pour ça que c'est extrêmement flou. C'est dur de juger. Mettons, là, au niveau pratique, là, moi je trouve que ça a vraiment pas de bon sens ce qui t'arrive. Là. Fait que, mettons, y a-t-il une pétition qui circule? Oui, il y a qu'on... une pétition qu'on est déjà rendu à 2500 signatures. Il y a une page d'appui sur Facebook. On est rendu à 6300 quelques... Ouais, ça monte. Okay. Puis c'est rendu, je pense, des gros noms, des gros noms aussi du cinéma québécois actuel. Il y a Robert Morin, Patrick Sénécal, je pense qu'il a signé. Isabelle Grondin. Exact. Il y a beaucoup de monde. Richard Desjardins a signé aussi. Ah ouais, bon. Donc, parce que veux pas, ça touche l'industrie du cinéma. Ben oui. Regarde, j'ai des interviews à travers le monde, Fangoria, Rumorgue, plein de magazines aux États-Unis. Alors pourquoi que les gens s'intéressent autant à cette cause? Parce que ça laisse personne indifférent. Donc, c'est parce que rendu à ce point-là, c'est rendu qu'il faudrait quoi? Ton talent a brassé le monde. Les films d'horreur, voyons donc. Puis t'as-tu un compte YouTube avec des affaires? Pardon? T'as-tu un compte YouTube avec des non, pas YouTube, eux sont vraiment très stricts en ce qui concerne le gore ou la sexualité. Israël avait une question. En fait, je voulais savoir, t'en étais où dans le cheminement? Je pense que ton procès, il était v'là 2 semaines. Si je ne m'abuse, il y avait une manifestation devant, c'était pas ça? OK, v'là 2 semaines, c'était la première comparution. OK. Lorsqu'il y a eu quand même une petite manifestation, des gens qui venaient m'appuyer. La semaine prochaine, le 1er novembre, c'est là que je connais la date de mon procès. OK. J'ai droit à un procès avec jury. Je l'ai demandé, je suis éligible. Alors, on s'en va à un procès avec jury, ce que moi, je trouve très bien, parce que si on dépend d'un juge, il aime pas l'horreur, il aime pas ce que je fais, ça peut pencher beaucoup sur la balance. Alors, à un jury, nous, on va leur montrer une compilation de vidéos les plus tordues qui sont disponibles au Canada. On va leur montrer... Ça va sortir en DVD? Ah, ça a l'air de fun, hein? On va leur montrer, moi, mon travail, et le jury va juger et voir est-ce que je fais quelque chose de nouveau. Non, c'est ce que je fais, c'est comme d'autres fonds, dans le fond? Exactement. C'est ça. Alors, ça va être au jury à déterminer. Mais ça risque d'être plus intéressant. Coup, c'est réglé, ça va être... Tu vas te faire comme rembourser par la couronne tes faits d'avocat. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ah ouais, advenant que je suis retrouvé non coupable, aucun frais remboursé. Non. Par la suite, on verra avec mon avocat s'il y a des... C'est toi, tu peux faire des poursuites de suite, son bord. Hein. Oh man, fait que là, faut que tu payes encore de l'autre bord. Non, c'est... Mais il y a des bonnes chances que je comprends pourquoi tu ris plus encore. Peu importe le jugement de ça, les chances sont bonnes que ça aille en appel d'un côté comme de l'autre. Ça peut aller en appel, ça peut être très long. Parce que la façon que certains avocats ont vu la chose, c'est que ça peut se rendre en cour supérieure pour demander de modifier la loi. Ouais. Alors, c'est quelque chose qui va être très gros. Mais regardez justement, regardez la réaction des gens. Il n'y a personne qui reste indifférent. Alors, ça va être un débat de société, parce que c'est sûr que beaucoup de gens qui sont de mon côté, mais il y a beaucoup de gens aussi qui détestent cette forme d'art-là, puis que pour eux, bannir... pour eux, ça a de l'allure. Ça serait... La dernière fois qu'il y a eu un débat sur cette loi-là, c'était... Tu lui demandes c'est quoi la limite à quelqu'un qui pense de même, puis il ne sait pas quoi répondre. C'est pas une prise de position logique, c'est juste des émotions, puis il y a un dogme qui a été digéré par quelqu'un autour. Tu peux pas commencer à tracer une ligne, puis après l'accepter ailleurs. Parce que moi, je vois ça comme les gens, ils voyaient mon site où ils voient cette forme d'art-là, comme la promotion à la violence. Pis c'est là l'erreur. Parce qu'on fait ce type de travail-là que nécessairement on promouvoit la violence. On est des pros pro-meurtre, pro-viol. C'était plus ton portfolio pour te faire engager, toi? J'ai mon portfolio qui est remyfx.com, mais Inner Depravity, c'était comme plus un autre fenêtre sur ce que je peux accomplir dans l'horreur solo, extrême. Exactement. Fait que si, mettons, on va sur remyfx.com, là, on peut voir quelques-unes de tes affaires qui sont encore... des choses qui sont... Selon les bonnes mœurs et qui ne pervertissent personne. Calice. Merci, Rémi. J'espère que tu vas revenir nous en parler de ça. Puis sinon, allez sur Facebook, checker Rémi Couture, puis on va arriver sur toi. Sinon, sur Facebook, marquez accusé. C'est quoi donc? C'est. Accusé au criminel pour de la fiction. Ouais, c'est ça, exact. Et voilà. Avant qu'on enchaîne, moi, je veux juste qu'il me raconte brièvement, là, comment ils ont fait ça? Comment ils ont procédé à ton arrestation? J'adore ta anecdote. C'est qui a porté plainte comme à la base? À la base, c'est Interpol qui ont lancé le son de cloche, le cri d'alarme, si tu veux. Eux autres, ils ont localisé où est-ce que j'étais. Comme dans les films. Ils ont contacté la police de Montréal. Donc, la police de Montréal m'ont contacté non via Inner Depravity, mais m'ont contacté via Rémi FX, donc, qui est clairement indiqué. C'est maquillage, effets spéciaux, c'est mon portfolio. Folio. Ils ont trop écouté Dexter. Ah, il fait des effets spéciaux, mais il tue du monde pour vrai aussi. Ah, ouais, c'est ça. Fait que là, il peut passer ça sous le couvert de tout. Mais non, les gars, vous êtes cons. Ben, on l'a déjà arrêté. Mais là, c'est quoi qu'on va avoir l'air? On le poursuit. Ah, en tout cas, Rémi, merci bien, gros. Non, attends. Il y en veut d'autres, lui. Non, mais oui, attends, il s'est pas raconté. Là, ils l'ont pogné. Ils l'ont trouvé plutôt. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? T'ont contacté. Court résumé, c'est qu'ils m'ont. Ils se sont fait passer pour des clients qui avaient besoin de mes services en maquillage pour une session photo pour l'Halloween. Alors, j'ai répondu à leur email, comme quoi, OK, c'est bien. Je vous donne un rendez-vous chez moi tel jour, telle heure. Eux, ils arrivent, ils m'appellent quelques minutes avant de l'heure du rendez-vous pour me dire qu'ils ne trouvaient pas ma résidence. Alors, ils m'invitent à sortir dehors. Donc, la photographe Elise qui était chez moi, je lui dis d'attendre quelques minutes. J'allais chercher le gars et sa copine. Rendu dehors, j'attends un peu, quelques secondes. Un homme et une femme arrivent à bien civil. Ils me demandent si je suis bien Rémi Couture. Lorsque je leur réponds oui, on me prend le bras. On me dit que je suis en état d'arrestation. On me menotte. D'autres polices arrivent une fraction de seconde après. Les policiers débarquent, ils viennent saisir ma saisir tout mon matériel, fouiller ma résidence, défoncer les portes, essayer de chercher probablement peut-être un cadavre. Ensuite, j'ai été escorté jusqu'au poste de police, j'ai resté là dans une cellule durant des heures, interrogatoire. Ensuite, on me laisse sortir vers minuit. Pas de portefeuille, pas de manteau, fin octobre. Ben, quasiment. C'est pas un an. Alors, on a trouvé plein de cadavres liquéfiés chez eux. Ben non, c'est du latex. Fait que c'est une histoire qui est quand même assez. La police se défend en disant que, OK, sur mon site, on voit une session de photos où est-ce qu'un enfant est tué par le tueur fictif. Le tueur fictif. Puis certaines scènes, bon, on comprenait des. Connotation sexuelle, qui n'est pas la session avec l'enfant, il faut bien démêler les choses. La session avec l'enfant, il était habillé la tête au cou. Mais les autres sessions qui avaient une connotation sexuelle, c'est avec des adultes, mais eux, ils se défendent sur le fait qu'il est en droit de venir vérifier. Ça, c'est, j'ai aucune objection à ça, qu'ils viennent vérifier, voir quel type de personne que je suis. Mais si de là à me. Oui, au rendez-vous, puis que t'étais chez vous quand ils te l'ont demandé, t'as jamais été réfractaire à quoi que ce soit. Non, mais c'est là le problème, c'est de se dire, OK, faire une vérification, c'est une chose. Mais on vérifiait, t'avais des tatous puis des cheveux en pique. Une mission d'infiltration pour les entreprises Rémi et Fils. Puis juste pour mentionner, je passe au franc-tireur mercredi. À 8h. Richard Martineau est allé interviewer le porte-parole de la police. Eux, ils se défendent vraiment comme nous étions en droit, puis c'était légitime de venir vérifier. Mais par exemple, une chose qui est très importante, qu'on mentionne jamais, c'est que l'enfant, on m'a demandé le numéro de la mère de l'enfant qui apparaît, qui avait 10 ans à l'époque, sur une des sessions de photos, puis qui apparaît aussi dans un des courts-métrages. Yes. Ils ont même pas jugé bon d'aller rencontrer l'enfant. La mère leur a demandé, mais vous venez pas vérifier dans quel environnement que j'habite, que le petit Frédéric dans... Non, on s'inquiète trop. Puis eux, ils ont même pas jugé bon d'aller vérifier. Donc, l'enfant aurait pu être mort pour vrai. Juste pour dire, la mère, ça aurait pu être une amie que random que j'ai inventée puis qu'elle a se fait passer. Accusé de meurtre, puis on passait à côté de l'opportunité. Exactement. Donc, ben, merci, tout ça est assez. Merci Rémi, super intéressant. De toute façon, on va couper ça au montage. On va garder juste je suis pro-viol. merci d'aider ma cause. Rappelez-vous, Richard Martineau aussi, on va peut-être le biper. Rappelez-vous, il passe au franc-tireur, mais il est passé à 70% d'abord. Mettez ça dans votre pipe. Juste après Mario Dumont, par exemple. Ouais. C'est vrai. Hey, moi, je mets une petite pause musicale, puis on va revenir avec DJ George jusqu'au cou, je pense. Merci, Rémi. Ils voudront jamais l'avouer. Fait que là, eux, ils vont user sur le fait que là, de l'enfant, peur, puis les enfants, tu sais, puis l'enfant, il a même pas jugé bon d'aller le voir, c'est ce qui est drôle, tu sais. C'est non, c'est grave, tout ça, c'est une action qui a été prise vraiment trop rapide. Mais on sait pas c'est qui est au-dessus, tu sais, c'est des gens qui ont hey, c'est pas bon, ça! Harper a déjà essayé de passer une loi pour censurer le cinéma au Québec, tu sais, c'est, ça l'a pas passé, fait qu'il va dû, avec moi, faire... Comme le bouc émissaire, parce que si je suis retrouvé coupable, ben là, il y a un peu de jurisprudence, ils peuvent monter, ils peuvent aller attaquer le cinéma. Censuré, ça, c'est censuré. J'en ai très mal d'entendre. Ça en génère-tu des discussions, cette affaire-là? C'est pas fini, mais j'ai hâte de voir. Si jamais tu perds, puis tu vas en appel, puis tu as besoin des transcriptions de ton procès, là, tu m'appelleras. Je vais être content de te faire ça. Bon. Ça va être comme notre téléroman, notre radio-roman. C'est ça. C'est quoi qu'on entend là, Étienne? Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est Skeleton Dance de l'artiste Sound Records. Puis. Non, en fait, c'est de, ça vient de Music for Monsters. Puis quoi de plus désagréable que du thérémine, mesdames, messieurs? Eh bien, voilà, c'était ça. L'album, c'est la juste ça, en fait. Je sais, la cornemuse. Ouais, la cornemuse, c'est pas pire, mais ça fait pas Halloween. Ouais, ouais, c'est ça. Ça prend un thérémine pour être creepy. Je pense que c'est pire, le thérémine, personnellement. Là, l'album s'appelle Music for Monsters, puis c'est juste des tunes de thérémine avec des sound effects. Ouais, c'est super vrai. Beau. C'est donc, ça va être un de nos spéciales de la semaine prochaine. Ouais, ouais, Theremin. C'est vraiment beau. Puis, fait qu'on vient de sauter dans le spécial de DJ George, dans le fond. Oui, avec Predge en collaboration très spéciale qui m'a trouvé toutes sortes de belles affaires hot. Parce que moi, j'avais pas tant d'affaires que ça de l'Halloween. Puis là, lui, écoute, je sais pas où il a trouvé ça. Là, pourtant, mais... l'Halloween. C'est un cimetière. J'ai cherché fort. Il a cherché très fort. Entre autres, on a un album de Freddy ici, Freddy Krueger. The Freddy's Greatest Hits. Oui, attention, c'est ça. Il a sorti un Greatest Hits, puis ça a été pas mal ça, sa carrière. On laissait tomber les B-sides de Freddy. Là. Ouais. Et puis ça, c'est par The Elm Street Group, puis checkez bien ça. Ça fait, c'est très épeurant. Ouais, oui. Alors, eh oui, do the Freddy. Ça fait ça, ça passe. Il écrit par-dessus. Fait que là, cet album-là, à chaque tune, c'est juste du 80 de même. Puis dans chaque tune, ben, il va shooter une phrase, genre avec des voix de Freddy. Oh boy, hein, greatest hit. Hey, bonjour, bienvenue à 70%. Oui, ici Denis Daniel Gabriel à l'autre bout de l'appareil. D'accord. Oh! Hey! On espère que ça va pas péter aujourd'hui. Le téléphone semble réparé. Puis, comment ça se passe? Non, il n'y a pas de grand pet qui passe. Juste pour dire que je vous ai envoyé un petit spécial pendant votre émission. Désolé, c'est peut-être trop tard. Un genre de petit cri du cœur, petite affaire que j'ai composé aujourd'hui. Ça pourrait peut-être intéressant. Ça vous tente, mais... C'était trop fort. Fallait que je vous appelle en écoutant votre show, Calis. C'est parfait, Danny. On va la mettre en finissant l'émission, c'est sûr et ouais, certain, ouais, mon gars. Si vous voulez, en tout cas, de toute façon, à prochaine, les gars. On aime ça, te motiver, mon gars. À bientôt. Hein. Bye bye. On va retourner parler de Freddy, puis spécial de l'Halloween. Il est tellement bon, là. Hey, excuse-moi, Danny. Hein. Si je t'ai coupé vite, j'ai comme glissé mon doigt. c'est comme mon chien l'a mangé. Excuse-moi, Danny. Je suis dernière content fois, quand tu appelle, nous appelles. Ça pète pendant 5 minutes. Tu t'es trompé de bouton comme Brad, c'est ça? Non, Brad, c'est plus dans le calendrier. Do they know when it's Christmas? Ben, c'est le 24 juin, c'est ça? C'est Brad, je t'adore. Parlez-nous de Freddy encore. Ouais, ben, Freddy, en fait, cette chanson-là, Do the Freddy, ça existait avant Freddy Krueger. Je vous fais jouer ici l'original par Freddy and the Dreamers en 1965. On la reconnaît bien. Ok, ben, c'est pour ceux qui l'ont écouté. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, donc Freddy, il a rien inventé. Ouais, ouais, Freddy Montignac, qui est comme devenu Freddy Krueger par la magie du voilà. Le passé oublie bien des affaires. C'est facile, c'est tu ça. Rajoutes un gars, l'acteur, qui fait Freddy, les fêtes, là, puis en arrière, puis et voilà, ton album. Quel ouais. Grand du cinéma, Robert Englund, hein? Ah, il est grand de même à peu près, grand de même. Ah oui, je dirais qu'on l'a connu au de même. Oh, ouais. Comme plusieurs pommes en tout cas. Ah, vas-y, man, shoot-nous un autre. Ben, regardez ben, il y a ici, plusieurs versions. On a la version des Baronets, oh, on s'en va vers le plus épeurant. Oui, c'est C'est le Freddy. C'est le Freddy. Le Freddy a entendu ça, puis il a vu l'opportunité. Et voilà. Et voilà. Grâce aux Baronets, on a un album de Freddy Krueger. Hey, bon, on l'a entendu! T'en as-tu une autre? On a ouais. la version de la petite sirène. On a la version de Madame Saint-Onge ici. Oh, tape. Qui est vraiment la pire. On garde le meilleur pour la fin, hein. Oh, sacrément! Hey, puis elle a pas embarqué à bonne place en plus. T'as-tu la version dance de Four Night Blondes? Oh oui! Non. Voilà. Ouais. C'est le Freddy, mais messieurs. Ah, écoute bien. Freddy. Écoute bien. Ouais. Fait que voilà, ça c'était le bloc Freddy. J'en ai plus d'autres, malheureusement. Là, ah, on est bien tristes. Sinon, une autre affaire qui fait vraiment peur pour les mauvaises raisons, c'est. oui, ça oui. C'est The Shags qui chante It's Halloween. Je passe ça puis je vous laisse en juger déjà par vous-même. It's Halloween, it's Halloween, it's Halloween. Les arrangements sont de cœur. Bon, on va aller écouter Israël après celle-là, ça a-tu de l'allure, ça? Ah, t'as-tu une toune, genre, horreur sport, genre comme « Oup, there it is », mais chanté par Frankenstein? Non, malheureusement, non. J'en avais, moi, en fait, je les ai pas mis parce qu'ils étaient pas assez mauvais. Ah, oh, écoute ça. On m'a trouvé le thème d'intro de Sting ou du Undertaker de la lutte. Peut-être ça va être bon, ça. Ce qui est le fun avec The Shag, c'est qu'ils ont vraiment le rythme dans le sang. Ben, t'en connais l'histoire de cette bande-là? Ben oui. Okay. Les Shags, en fait, là, c'est un band qui existe grâce aux pouvoirs paranormaux. Parce que le père des trois filles qui sont dans les Shags, sa mère, elle lisait La Bonne Aventure. Puis quand il était petit, elle lui a lu les lignes de la main, puis elle lui a dit « Tu vas te marier un jour avec une femme blonde, puis tu vas avoir des filles. » Puis après ça, quand cette femme-là va être morte, tu vas avoir d'autres enfants, des gars, avec quelqu'un d'autre. Puis les filles que tu as eues avec la première femme vont devenir un groupe international à grand succès. Puis là, lui, ben, les deux premières prédictions se sont réalisées. Il s'est marié avec une femme blonde, il y a eu des filles, et morte. Il s'est remarié encore, il y a eu des gars. Fait qu'il s'est dit, c'est sûr que mes filles vont faire un groupe à succès. C'est automatique. Fait que là, il les a sortis de l'école, il leur a acheté des instruments, puis il leur a dit, go, faites un disque maintenant. Fait que c'est ce que ça donne. It's Halloween, it's Halloween. Puis en fait, tout le disque a été enregistré le même après-midi. Ouais. Puis tout en même temps. Composé aussi dans le même après-midi. Ils ont choisi les instruments comme naturellement. Ouais. Puis la drummer, on sent qu'elle a un petit quelque chose. Ouais. Ah ouais. Puis ils jouent. Ouais. Puis de temps en temps, ils jouaient évidemment. Ils ont enregistré ça en studio comme tout ensemble. Ils peuvent pas jouer séparés. Puis ils arriveraient exactement le temps tout le temps. Mais là, ils jouaient ensemble. Puis de temps en temps, ils s'arrêtaient de jouer. Puis là, tout le monde en studio, les techniciens, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il y en a une qui disait, oh non, c'est parce qu'on s'est trompé. Puis personne ne comprenait trop pourquoi ils savaient qu'ils s'étaient trompés là, pas toutes les autres fois. Le mythe est créé. Hey, merci beaucoup, DJ Georges. Mais avant qu'on écoute Israël, moi, je présenterai une chanson parce que je l'aime bien, Isa. Fait que j'ai trouvé des chansons, tu sais, qu'il fallait trouver quelque chose qui fait Halloween et Israël. Qu'est-ce que je peux bien trouver? Ben, non. J'ai trouvé du reggae dub d'Halloween. Oh non! Ah! Bon, ben, ça va te servir de ton thème. Ah. Vas-y, man, fais-nous ta chronique là-dessus. On va la laisser partir, là, vite fait. C'est assez insupportable, merci. Oh. Ouais, c'est pas écoutable. Mais là, pas trop fort. OK! New York Knicks! Ouais! Yeah! Ok, vendredi dernier, j'ai été voir le match d'exhibition de la NBA. Ça faisait 20 ans que la NBA était pas passée à Montréal. 20 ans, c'est gros, hein? Puis là, je parle pas des matchs des Harlem Globetrotters, parce que ça aurait été bon au moins, tu sais. Fait que... J'étais au Centre Bell, le royaume de la bière à 10$, puis j'occupais un siège parmi les 22 114 tickets qui ont été vendus. 22 114, ça veut dire que l'événement était sold out. Fait que j'étais placé dans le pit. Puis qu'est-ce qui est différent dans le pit entre le punk rock et le basket, ou un sport en général, c'est que quand t'es dans le pit, dans le punk rock, t'es comme en avant du stage pis t'as du fun. Mais être dans le pit, dans un événement sportif, ça veut dire comme être, tu sais, en haut, tu croches loin. C'est ça que ça veut dire. Fait que, voyons, c'est ça, je me suis écrit un texte aujourd'hui. Ouais, je vois ça. Oh. Ouais. C'est de la misère, t'es pas habitué, hein? Ouais, ouais. Tu m'habitues. Ah, fait que, même d'en haut, les noirs de 7 pieds de haut avaient l'air minuscule. Fait que c'est drôle une game de basket, tu sais. Les cheerleaders, ils dansent comme tout le temps, même pendant qu'ils mettent des intermissions musicales de 5 secondes. Fait que là, il y avait des tunes des Venga Boys qui partaient, genre, c'est quoi donc la tune des Venga Boys? C'est boum, boum, boum, boum. I want you in my room. Mais là, il y avait une chorégraphie pour un 5 secondes. Tu nous la mets-tu? On va continuer avec ça. Ok, cool. Merci beaucoup, Étienne Paré. Ça fait plaisir. Les Venga Boys vont être contents de recevoir 10 scènes de chaque. Donc, c'est ça. Puis, pendant qu'il dansait, il y avait un sourire, mais un sourire spécial. C'est comme si tout ce qu'ils avaient voulu toute leur vie, c'était d'être au Centre Bell avec les New York Knicks puis les Raptors en train de danser. Je trouvais ça vraiment impressionnant. Ça m'hypnotisait un peu à la manière que Dancing Kim m'hypnotise ou bien Lazy Town. J'aurais sûrement pris toutes mes épargnes, mon chèque de TPS et l'argent que nos contribuables mettent dedans la poursuite Corriveau la police pour me péter un gangbang avec ses succulentes DS. Oui, c'est ça. Ce bout-là est sorti plus facilement. Gangbang, c'est un mot qu'ils aiment bien. À la mi-temps, on a eu droit à ce qu'ils appellent Ladies and gentlemen, the best videos of the Raptor fans. Mesdames et messieurs, les meilleures vidéos des fans des Raptors. Pis ça, c'était pas vraiment des vidéos des fans des Raptors. C'était plus des vidéos sorties tout droit d'un best-of drôle de vidéos ou encore des vidéos que le monde a pogné sa gosse sur YouTube, genre. C'est comme du monde qui se cassait la gueule, dans le fond. Mais il y avait pas de chandail des Raptors, fait qu'on pouvait pas dire c'était vraiment des fans des Raptors qui se faisaient mal, tu sais. Pis c'était un des moments les plus drôles de la game. Est-ce que c'était sur le fond de Yakety Sax ou Ah non, c'est la toune de Benny Hill, tu sais. Ben, c'est ça. Ok. Oh, je sais pas comment j'ai fait pour le savoir. Et voilà. Céline, non, c'était Madame Dion. Fait que avec tout ça, justement, on a un voyage musical ici. Ah, c'est comme si j'étais encore là-bas, Étienne. C'est fou. Merci. Fait qu'avec tout ça, la mascotte faisait des siennes tout au long de la game. La game, je n'en ai même pas parlé encore, mais s'il vous plaît, les amis, fermez-vous les yeux un peu, puis imaginez-vous une belle game de basket. Puis c'est drette comme que vous pensez. Tu veux dire juste comme elle est sur le point de finir? C'est des noirs qui courent, puis ça fait squeak, squeak, squeak, squeak, squeak. C'est à ça que ça ressemblait, ouais. Fait que moralité, j'aurais dû vraiment économiser 20$ de plus, aller à place d'aller au Centre Bell le vendredi soir, aller au stade le samedi soir, aller voir les Bigfoot. Je n'aurais eu pour mon argent. Hey, ça a duré 4 heures, ces affaires-là. Est-ce que ça doit être le fun d'aller voir les Bigfoot? Tu sais, il y a le Trochosaurus, puis là, il y a des cases des atomes! Ouais. Ben, merci, c'était ça. C'était mon aventure au basket. La semaine prochaine, mon dossier sur Final Fantasy 8. Sais-tu qu'est-ce qui est cool aussi? Qu'est-ce qui est cool aussi au Bigfoot? Quoi? Il n'y a pas de noir. C'est vrai. Mais il n'y en avait pas tant que ça, pour vrai, au basket, étrangement. Il y en avait juste sur le. Il y en avait juste sur le court. Mais au Bigfoot, il n'y en a même pas sur le court. Merci beaucoup, Israël. Ah, ben, ça fait un plaisir. C'était une belle aventure, ça. La morale des Bigfoot, par contre, on va s'en reparler. Ben, même si j'ai au Bigfoot, je dirais que j'aurais dû garder mon cash pour aller au basket. Mais là... Ah non, mais il y a d'autres affaires. Ah, ouais. Allez, on écoute, je pense qu'on va se faire une petite toune là, avant de revenir avec Bruno Bernacchi puis nos amis de Juste du lait là. Ouais, ouais, ouais. Ça va avoir de l'allure. Ça s'appelle Alex King et soirée VIP. Oh. Mais on l'écoute pas au complet, c'est ça la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est Alex King et soirée VIP. On est à 70%. Soirée VIP, on va bien s'amuser. Tu peux rentrer, pas comme Johnny Hallyday. De toute façon, c'est mieux, il voulait allumer le feu. M. Pokora, c'est le tombeur. Avec Tatou Baggy Chen, c'est le leader. Il arrive, bouge, saute de partout. On croit qu'il danse, mais en fait, il a des poux. Dans le couloir, je vois le gros Serge Lama. Je me demande, t'es qui toi, qu'est-ce que tu bois? Tu t'es trompé d'anniversaire, c'est pas grave. Celui de ma grand-mère, c'était la semaine dernière. Vas-y, Dealerman, que Spiderman. C'est Kamel Wally en collant de femme. Il a dansé toute la soirée, il a fallu 4 jours pour le démêler. Allez, viens à ma soirée. On va teubler. Si je te dis que tu peux pas dépouiller, le type là-bas c'est David Douillet. Superman, boîte de banga, bouffe mec de cacahuète, pique mon Nutella. Il se la pète, de sortir par la fenêtre, il a pris 300 kilos, il s'était cassé comme une crêpe. Ilona m'appelle à l'entrée, c'est grave, Nolwenn ne peut pas rentrer. Laissez passer, sinon elle va nous casser les pieds. Un moment tout le monde a eu peur. Quand est arrivé Freddy Krueger, on s'est rendu compte mais beaucoup plus tard. Pire, ah c'était Joey Starr. Sortir du lycée Léon Blum pour se rendre compte que ses voix sont McDoom. Comme Bryce de Nice, ça passe sa case. Je quiche, fracasse les people en masse. J'ai surpris Zizou avec Alizé. Ils se faisaient des bisous et ils ont balisé. Je leur ai fait du chantage et depuis ce jour, ils m'accompagnent à l'école tous les jours. Et dans la cour, je suis le nouveau Jackson. Les petites m'appellent la limousine klaxon. Réveille-toi, réveille-toi, qu'est-ce qu'ils me disent? Je comprends, je suis plus côté qu'une friandise. Et comme elles insistent, hey Julien, ça c'est ma chronique préférée. Tu voudrais-tu venir au Bigfoot avec moi? Non, ben non, là, non. Je le dis en nombre, j'ai quand même plus le choix. Après. Cette semaine, c'est ma chronique préférée. C'est ma chronique Bazooka Joe. Tout le monde. Mais oui, je vais aller au Bigfoot avec moi. Moi, en fait, je voudrais juste faire une rectification. Vas-y. Quand j'ai dit tantôt que qu'est-ce qui était cool au Bigfoot, c'est qu'il n'y avait pas de noir, ce que je voulais dire pour vrai, c'est que ce qui était cool au Bigfoot, c'est qu'il n'y a pas de basket. Ah, voilà. On rappelle que vous avez des plaintes à formuler sur quoi que ce soit pendant l'émission. Écrivez-nous à 70% à gmail.com. 70 pour 100. Des plaintes, demandes spéciales. Alors, d'abord, un inutile préambule. J'avais la courtoisie de vous coller patience avec mes nombreuses imitations, notamment celle d'Astérix. Mais je dois y revenir encore un peu, parce qu'un fidèle auditeur qui désire étrangement rester anonyme m'a envoyé son imitation de mon imitation d'Astérix. Hey, alors, c'est de la méta-animation. D'abord, on va... Ouais, c'est ça. Ben, je vais le refaire une fois, vite. Alors, Obélix, non! Fait que voilà. Fait que maintenant, on va écouter... Tommy, t'as ça sous la main? Ah ben le gars tu veux, il veut pas ouvrir. C'est un point VLC. Ben ouais, je vais essayer dans VLC moi. Dans VLC Player, on devrait être correct, c'est l'IP. Non! Ah, encore, encore! Oh, c'est bon là, ok. Obélix! Non! Voilà. Fait que j'ai reçu ça, fait que alors parfait. Alors je suis ouvert à toute autre imitation de mon imitation d'Astérix, voire même des imitations de l'imitation de mon imitation. Alors l'appel est lancé. À chaque semaine, on imite l'imitation de la semaine d'avant. Voilà. C'est parti. Le jeu de téléphone malsain d'Astérix. Enfin, ça va finir par Obélix, tasse-toi. Obélix, ouais! Panoramique, allô? Ah, mais là, l'autre bord de ça, on a Hugo Pratt face à Basket ouais, Joe. Non, j'ai tout un dossier aussi. Fait que, alors, Basket Joe, puis Hugo Pratt, puis ça. Le 20 juillet dernier, Predge m'a écrit pour la première fois sur Facebook. Je suggère une chronique Bazooka Joe, TK, moi je vais entendre ça, take care. Bon, dans pas... ces mots-là? Exactement, ces mots-là, je connais bien. Là, ouais. TK, t'es écrit TK. Ouais. Alors, c'est pas réécrit depuis, mais alors... C'est pas vrai. Ouais, alors, à demander, vous recevrez. Ça fait 3 mois, mais c'était, je gardais ça en banque. Alors, je voulais bien rendre justice à Bazooka Joe, éternel oublié de la bande dessinée. Ça veut dire que je mets mon dossier sur Patoff en suspens, mais ça ne me dérange pas parce que c'est un funambule. Pourtant, ne trouve-t-on pas... Pourquoi... Qu'est-ce que c'est ça? T'as perdu le fil? Oui, un peu. Pourquoi on trouve pas le recueil des meilleures aventures de Bazooka Joe? Pourquoi on trouve jamais, on le retrouve jamais dans les palmarès des meilleures bandes dessinées de tous les temps? Parce que c'est de la marde, j'en doute. Et pour bien démontrer mon point, j'ai décidé de faire une étude comparative entre Bazooka Joe et Corto Maltese. Étude comparative qui comprendra des comparaisons, contrairement à une étude comparative entre Tintin au Congo et Tintin au Vénézuélien. Il y a beaucoup de frissons froids dans le dos, sûrement, oui. Mon gars. Alors, pourquoi l'un... Parle-moi du jeu des ombres. Pardon? Non, vas-y, excuse. Non, non, ça va, c'est pas un coup. Pourquoi l'un cumule les éloges et l'autre les moqueries? Je me posais la question. Alors, d'abord, une mise en contexte. Corto Maltese est l'œuvre du scénariste et dessinateur italien Ugo Pratt. C'est l'histoire d'un marin aventurier du même nom, un rebelle au cœur d'or qui vogue les océans au début du siècle. Il voyage partout dans le monde, se lie d'amitié avec une panoplie de personnages exotiques, récits Rimbaud, mélange occultisme et réalisme, amitié et aventure. C'est un être élégant et passionnant. Bof. Bazooka Joe est une création de Wesley Morse, un dessinateur qui réalisait auparavant des bandes dessinées indépendantes érotiques. Il a été co-créé par M. Woody Gelman, qui est aussi le créateur de Popsicle Pete, l'ancienne mascotte des Popsicles que j'ai jamais entendu parler avant. Fait qu'il y a réellement un lien de parenté à Bazooka Joe. Ouais, et Popsicle c'est Pete. Des frères. Je sais pas, des cousins. Demi-frères. Je sais pas. Ben, ils ont le même père. Popsicle Pete n'a pas vraiment de page Wikipédia, mais il a pris sa retraite en 95, semble-t-il. Bon, bonheur, man, il prépare de quoi? Oh, j'ai déjà connu quelqu'un qui avait ramassé suffisamment de bâtons pour avoir un t-shirt de Popsicle Pete. Ah, oh, il me l'a vendu 5$. Je connaissais quelqu'un et qui connaissait quelqu'un, là, mais c'est pas allé plus loin que ça. alors, parce que Joe est né en 1954 et a paru dans plus de 1535 comics à ce jour, tous plus inoubliables. Il a quelques amis, personnages complexes, durs à définir en quelques mots, comme Zena, la Chicks, Metal Dude, un dude qui apprécie le métal, et bien sûr Mort, le gars que son col roulé lui cache la moitié de la face. Qui s'entendrait bien, je présume, avec le personnage en tel bonjour d'Alba que son chapeau lui couvre la moitié de la face. Jeune, je comprenais pas, vieux, je m'en calisse. Ne sachant pas vraiment où chercher de l'information sur le personnage en dehors de Wikipédia, évidemment, j'ai tapé son nom sur eBay, mais il y a un personnage de G.I. Joe qui s'appelle Bazooka. Fait que c'était plus ou moins concluant. Mais j'ai trouvé de temps des années 60 qui se vendaient 500$ pièce. À mon grand étonnement, il n'y avait aucune offre. Yeah. Moi, j'offre 500. Personnage de G.I. Joe qui s'appelle Bazooka. Ouais, fait que tu tapes Bazooka puis Joe, tu tombes sur lui aussi. Ben c'est ouais. Ça qui est... Pour ma recherche, j'ai lu quelques Bazooka de Joe sur le web. Il va sans dire que j'ai ri un bon coup. Ça a été difficile. Ça a été difficile d'arrêter mon choix sur mes préférés, mais voici quelques aventures notables de la célèbre série des années 90, Bazooka Joe Mystic Master of Space and Time. Bazooka Joe rencontre Shakespeare. Ce dernier ne se calisse étrangement pas de l'opinion de Bazooka Joe et lui demande « Do you think I should put more fire in my work, Joe? » Fidèle à lui-même, Joe lui répond « I think you should put more of your work in the fire. » Alors, Bazooka Joe critique Shakespeare. À mes yeux, il n'y a rien qui cloche. Notons aussi que la suggestion de Joe de brûler ses livres n'est pas sans rappeler l'Allemagne nazie. Bazooka Joe, symbole nazi. Ben ouais, aussi, ouais. Ben, s'il dit brûler, savoir. Ouais, ouais. Autre bande dessinée digne de mention, dans l'inoubliable série Bazooka Joe Fantasies, Joe rencontre Picasso. J'ai pas tout à fait saisi dans quel contexte, mais... avec Joe, la seule limite, c'est l'imagination. Picasso ose étrangement lui accorder la parole et lui dit « Joe, je peins, mais pourtant, mon travail semble régresser. » Moi, je l'ai traduit. Bon. Joe, perspicace, lui répond « Mais non, ce sont vos goûts qui s'améliorent. » Ouais, parce que Joe crache au visage de ceux qu'on considère comme des génies, ça prend des couilles de vautour, à mon avis. Ouais, en fait, la seule limite, c'est son imagination et son cynisme. Ouais, non, Joe est un être triste. Je pense. Ouais. Ses amis ont peur de lui, ils se cachent la face. Ah ouais, ou son lettre qu'elle fait. Fais-nous une imitation de Bazooka Joe. Obélix, non. Picasso, non. Ok. Corto, c'était-tu l'imitation d'imitation d'imitation? Non, on va passer à d'autres choses tout de suite. Corto Maltese nous donne envie de voyager, Bazooka Joe nous donne envie de marcher. Les BD de Corto coûtent une bonne trentaine de dollars et ne sentent rien. Celle de Bazooka Joe coûte 5 cents et sentent les fraises. Corto a besoin de la planète en entier, voire même de continents perdus, de plein de personnages secondaires et d'une bonne centaine de pages pour nous raconter une histoire. Bazooka Joe, 3 cases. Quelques personnages récurrents et hilarants, la simplicité même. En d'autres mots, Corto Maltese, c'est Michael Bay, Bazooka Joe, c'est Gus Van Sant. Un autre point pour Bazooka Joe. Oui. En plus, elle vient avec ta bonne aventure, puis une gomme trop dure dégueulasse. Corto Maltese ne vient avec aucun bonbon. Aussi, Corto Maltese a été adapté en dessin animé dans les dernières années. Jamais Bazooka Joe ne descendrait à un tel mercantilisme. Ça s'appelait Bazooka Joey, ça rimerait avec intégrité. ça rime avec père de Joe. Failli la couper, celle-là, je l'ai laissé. Mais bon, ben... Alors, Bazooka Joe, confident de tous les enfants, tu me combles dans le sens que tu me fais prendre du poids et j'espère que l'histoire te donnera la place qui te revient. Et je te donne 15 000 bâtons de popsicle en échange d'une paire de lunettes qui permet de voir au travers des vêtements. Merci. Merci beaucoup, Julien Bernatchez. Régulier! Régulier! Régulier! Hey, ça nous amène à l'autre partie de l'émission. Checker bien ça, ça va être beau. Oh! On l'oubliait, celle-là. You are my guest! Il n'y a pas à avoir peur, c'est rien de violent. C'est juste du lait, vous êtes des gars de Sherbrooke. Oui, oui, Johan, David, Emmanuel, bonsoir les gars. Bonsoir, bonsoir. Vous avez quitté la patrie de Danny, Daniel, Gabriel pour venir nous parler un petit peu de Juste du lait. Oui, exactement. Ben, Juste du lait qui est une page Facebook à la base qui récolte la laideur du web principalement. Donc on fait des grandes tournées YouTube jusqu'aux petites heures. Puis on retrouve l'atroce puis le pitoyable. De temps en temps. Ouais. Donc, puis après ça, vous postez ça là-dessus. C'est un blog d'échange de clips, disons. Bah, c'est ça. C'est juste, je pense, c'est de... Je sais pas, c'est de donner au suivant, probablement. Non, mais je sais pas, les juste gens font juste... Donner au suivant! Mais les gens ont juste ça comme dans leurs actualités, fait que ça leur fait une 5 minutes puis ils nous oublient après. Là. Ah bon, c'est un sourire. Puis là, c'est pas pire aussi, vous donnez du matériel à Johan, qui est un des bénévoles de douteux.org ben là-bas. Oui, ça me fait plaisir à part de ça. Je m'occupe du chapitre de Sherbrooke, dans le fond, depuis fin septembre, puis... dans le fond, pendant les soirées du douteux, ben ça m'est arrivé d'aller justement sur Juste du lait, pas pour nous promouvoir, au contraire, c'est vraiment juste aller rechercher peut-être du matériel adapté ou les demandes spéciales que les gens qui se pointaient au douteux nous demandaient, dans le fond. Ben oui, ben sûrement qu'il y a bien de tes amis qui vont voir le site de Juste du lait, fait que s'ils demandent les clips là-bas, gars, écoute, tout est bien correct. Moi, je t'empêche pas de parler de Juste du lait pendant tout quand tu fais tes shows là-bas, mon gars. La convergence a tout un de notre part. Et voilà, ton succès est le mien, mon gars. Yes, certain. Ben écoute, dans le fond, c'est ça, c'est que c'est les gens qui font des demandes spéciales, on se fait envoyer des clips aussi sur Juste du lait. C'est possible de poster soi-même les vidéos qu'on trouve. Nous autres, on s'amuse à les commenter, on s'amuse à les regarder, on les regarde tous. On n'a pas les statistiques de la fan page, mais écoute, en termes de fans, on t'a rendu... Vous êtes rendu à 193. 193, merci beaucoup pour l'actualité. Ça fait plaisir. Donc, vous arrive-t-il d'en recevoir des plates, tu sais, puis des vraiment plates comme un chien qui fourre un toutou? Puis ouais, des délités? Ouais, ça puis des délités, c'est plus ça ma question. Ça fait partie, je pense, des vidéos qu'on peut recevoir, mais... Je pense pas que ça vaut la peine d'y déliter pour autant parce que ben, ça fait partie de la lettre. Moi, je vais être franc, j'en ai déjà supprimé. Ah, ben là, ça, c'est à mon insu! C'est à mon insu! Est-ce qu'il y en avait que c'était les poses de Johan? Ouais, Johan a fait souvent des shows, puis j'en veux ça. Je veux faire de la pub sur le groupe Maison, mais je veux rien savoir de ça. Est-ce qu'on va chercher les vraies affaires? T'as-tu déjà couché avec sa mère à un moment donné? Parce qu'on l'a en studio! Je ne penserais pas! Étienne Forêt, fais attention à la ligne! C'est vrai! Il y a une ligne qu'il ne faut pas dépasser. C'est quoi qui vous motive? Toi, mettons, Emmanuel, là, à la base, là, c'est quoi qui te motive à collectionner les affaires spéciales comme ça? Juste du lait, mettons. Pourquoi le lait? Dans le même principe que le douteux, ça sème un gros questionnement, toutes ces vidéos-là. T'as les premières vidéos de base que tu regardes, justement, on en parlait avant, les petits chats, là, qui peut juste intéresser le créateur de la vidéo. Oui. Mais après très ça, bien dit. Après ce mouvement-là de vidéos vraiment sans intérêt, t'as ceux qui sont encore plus sans intérêt, mais en plus, quand tu regardes, tu peux juste rire tellement que c'est hermétique. Tu peux pas voir quel intérêt ça a même pour la personne. Tu peux comprendre que le chat, quand tu l'as, il est bien cute. Mon chien, je le trouve bien cute. Mais regarde la vidéo du japonais qui cale des verres de lait en jouant de la baisse sur ton électro, puis déguisant en fille en plus. Ben écoute, c'est trash, c'est dégueu. Ben celle-là, je le connais pas, fait que. Non, non, ben, calme, je te jure, tu vas ouais, je vais aller sur Juste du lait sur Facebook, c'est ben, sûr. Oui, t'as, voilà. T'as même pas idée à quel point la vie peut être laide. Oh, t'inquiète. En regardant ça, là. Ok, oui, c'est vrai. Moi, en passant, j'en diffuse à mes étudiants. J'enseigne au cégep. Je commence toujours la semaine avec le vidéo LED de la semaine. Ah, oh, c'est pas sérieux. Ben ça, on est vraiment content de l'entendre. Pour vrai, ça... Tous mes étudiants sont heureux aussi. Puis à la fin de l'année, c'est sûr qu'il va y avoir une question bonus là-dessus. Oh, quoi. Ben bon. Tu veux qu'on... Ils prennent des notes, man. Tu veux qu'on se présente dans ton Quel cours, mon soir gars, sont les visionnements gratuits au brouhaha? <C'est ça. rire> Hey, ben, merci beaucoup, les gars. Dans le fond, vous allez venir après ça au brouhaha avec nous autres. On va écouter un film assez spécial. On va être là en mot, t'as dit. Excellent. Ben, gars, je vais. Vous avez part ailleurs où aller. on est monté de Sherbrooke, tu On reconnaît Bruno, le grand romantique. Je vais parler un petit peu du long métrage de ce soir. D'ailleurs, tout d'abord, on a fait le visionnement samedi passé et puis on a écouté un film qui s'appelait Kung Fu Zombie. Et le boss des méchants, c'est un vampire. Puis tu sais, c'était vampire contre zombie à un moment donné, puis il faisait du kung-fu. Mais le vampire s'appelait Anguille, et le boss des méchants qui s'appelait Anguille, à toutes les fois qu'on le voyait, on entendait « Tididou, tididou, tididididou ». Tu sais, exactement le même thème qu'Astérix. J'ai trouvé ça spécial. Ça m'a fait penser à Julien Bernatchez tout de suite. Et puis, ben voilà, là, sinon on parle de Samedi le 14, c'est un film de 89. Ça vieillit vite en sapristi, ce film-là. Quel titre concept, d'ailleurs. Sur le coup, ça veut rien dire. Ensuite, on comprend. Puis ensuite, on comprend que c'est le lendemain de la date spéciale. Ensuite, ça veut vraiment rien dire. Puis après ça, on se dit, ah, c'est vrai, c'est une date spéciale, c'est vendredi 13. Mais c'est, pourquoi que ça veut dire de quoi, vendredi 13? Ben, moi, je pense que ça aussi, ça veut pas mal rien dire. Puis je suis allé un petit peu me renseigner. Donc, on va apprendre un mot. Là, vous allez le dire, tout le monde ensemble. On est capable. C'est le mot du jour. C'est la paraskevidécatriaphobie. C'est ça. La peur des vendredis 13. C'est donc le nom scientifique de la peur des vendredis 13. C'est la paraskevidécatriaphobie. On le dit tous ensemble à la maison. Paraskevidécatriaphobie. Une dernière fois, on va y arriver. Paraskevidécatriaphobie. Ouf, on a arrêté sans tour. Donc, It's the word of the day! Et puis, j'aime tout le temps rappeler au chapitre des informations utiles que Yvon Penneau est gaucher, l'apôtre de la redondance. Donc, c'est le mot qui nous renvoie à la peur des vendredis 13. Mais pourquoi le vendredi 13? Après une recherche très scientifique et poussée, trois événements marquants sont notés et répertoriés pour ramener à l'horreur qu'on leur apporte à cette journée. 1. Jésus est mort un vendredi. 2. Le roi Philippe le Bel a fait torturer tous les Templiers lors d'un vendredi 13. Les Templiers, c'est comme les premiers banquiers. Fait que, tu sais, c'est eux autres qui ont payé les médias après pour raconter l'horreur du vendredi 13, mettons. C'est comme le 29 octobre. Peut-être que dans 800 ans, ça va être vu comme une date maudite, là, parce que c'est la crise d'octobre financière qui a amené après ça la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça, je vais vous laisser le prof en histoire en parler mieux que moi. Et 3, le vol 571 de Fuerza Aérea Uruguaya s'est écrasé en Uruguay. Les survivants ont été retrouvés 2 mois plus tard après avoir dû manger les corps des décédés. Ben, tu sais, ils ont fait un film avec ça, avec des jokes de pizza, là. Ouais, ouais. Donc, après enquête, ben sinon, le chiffre 13, ça a tout le temps été mythique parce que à peu près tout est divisé en 12 parce que tu peux diviser 12 facilement. 13, c'est aussi encore un chiffre premier. Puis passer ça, après ça, ça devient pas mal plus tough à en trouver. 13, gaz. C'est 17 après. Ben voilà, là. Puis après ça, c'est plus loin. C'est quoi? C'est... 23, je dirais. 23, 27, peut-être. Non, il y a 9. Non, en tout cas, rendu là, on fait confiance à la calculatrice pour vous l'apprendre, là. Ouais. Ah ouais. Ils vont faire un monolithe là, avec plus de. Moi j'en cherche. C'est quoi? C'était 1, 3, 7. Là, non, mais il y a des mathématiciens qui travaillent là-dessus, puis à chaque 2 ans, ils en ont trouvé un plus long. Là. Ouais. Yay. Ouais, mais ça, plus aussi. Loin que celui d'avant. Oh, oui, c'est ça. C'est ça. C'est comme un décimal de pi aussi. Ça serait important de trouver tout. Ouais. C'est ça. Donc, on est à peu près tous d'accord, tout le monde, pour dire que vendredi 13, c'est une date hautement arbitraire. Et que le concept d'horreur tournant autour de cette date arbitraire-là est bien empreint d'une quantité considérable de « ça veut rien dire », je pense qu'au total. Là. Et puis, ben, y a les aventures aussi du gars avec des HP finis qui n'a jamais besoin de courir pour rattraper ses victimes et qui survit dans l'espace qui porte le nom de Vendredi 13. En tout cas, Ça me fait plaisir de vous mettre un petit bout, là, parce qu'il faut se saucer dedans à un moment donné, hein, pas faire comme s'il n'existait pas. L'excellent film. Ils disent cheeseburger souvent de ce film-là. Ouais, cheeseburger, c'est de la viande entre deux pains avec du fromage. Là. Moi, je me souviens, j'ai loué ça quand j'étais jeune au moment où ça venait de sortir. Ah, moi aussi? Un Halloween en plus. Il y a des fissures au fond de l'océan et il en sort plein de vapeur qui vient du ventre de la Terre. Des fissures, il y en a aussi sur la Terre. C'est pas de la vapeur qui en sort. Mais ça, je ne le savais pas encore. J'allais avoir 16 ans et c'était l'été. Il n'y avait que les glaces au chocolat et le baseball qui m'intéressaient. J'aurais bien voulu que ma sœur arrête de m'embêter et que mon père m'apprenne à conduire dès maintenant. Ouais. Qui aurait cru que pendant mes vacances, moi, Eddie Baxter, j'allais être obligé d'essayer de sauver le monde. Tout a commencé le jour où mon oncle Ralph est mort. On ne s'y attendait pas du tout. Il avait beaucoup d'argent et maman croyait que nous en hériterions, mais pas du tout. Il nous a seulement laissé une maison dans un quartier génial. On venait d'y emménager et seulement. Les voisins avaient l'air sympas. Oh, il n'y a qu'une maison dans un quartier génial, c'est la marge. Cheap. Sur lequel c'est écrit meilleur que Betelgeuse. Ouais. Notre maison n'était ouais, pas sur la boîte, c'est écrit le meilleur film d'horreur, la meilleure comédie d'horreur enfin, depuis, pas Betelgeuse. Depuis Betelgeuse. Ce qui faisait sa particularité, c'est qu'elle était construite sur une de ses fissures. Je me rappelle que c'était pour ça que je l'avais loué, d'ailleurs. Tadam! À cause de Betelgeuse, ouais, pas pire hein, de vampiriser le film des autres. On ouais. attendait tous impatiemment Betelgeuse 2 Hawaii Adventures. Ben, comme c'est jamais arrivé. Ben, comme moi, ça fait longtemps, je faisais des effets spéciaux gore. Là. Moi, je m'appelle Rémi FXX. Ouais, c'est... c'est le meilleur de j'ai pas encore de site, là, mais ça s'en vient. Là. Hey, on a un petit bout plus tard dans le film. Là. C'est 14-17. Seconde, après ça, il va avoir une toune. On va écouter ça, vous allez voir, il rencontre une vampire. Oh non. Qui êtes-vous? Une vampire. Qu'est-ce que vous faites ici, dans ma chambre? Vous êtes une des amies de ma mère? Non. De mon père, alors? J'aimerais être ton amie, si tu veux bien. Ouais. Ouais. Vous avez des dents bizarres. Oh, tu veux dire ça, sur le côté? Vous seriez une vampire. Ouais. Tu peux le dire. Une milf vampire. C'est mon cousin, Grégoire. Et je m'appelle Charlène. Pourquoi vous êtes dans ma chambre? Tu as déjà été vampire, toi. Non, mais moi, j'en ai assez de passer toutes les nuits dehors, sans amour, sans amis. Oh. Sans amour, le vampire a besoin d'amour. Il manque de conversation. Et la cuisine. Fait qu'on vous laisse avec la toune parce qu'elle va chanter. Là. Il n'y a pas tant que ça dans le film. On revient après ça avec le premier trio à 70%. The juicy fresh tomato, the smell of barbecue, candlelight and steak for two. I never cared who paid the check. Then I got bitten on the neck. Now dinner time just goes thud when all you can live on is human blood. Werewolves can't eat everything, so please don't eat anything. No, my friend, don't even try it. Living on a vampire's diet. I want a man to take me out for lunches, buy me pretty flowers in great big bunches. Hops the boat when I go for the waiter's throat, and all because some dumb luck out there sank his fangs into my jugular. All I want is just one nibble. I'll settle for a simple little dish of kibble. There's no sense in even going when all you can order is hemoglobin. Werewolves can't eat everything. Some bees don't need anything. No, my friend, don't even try it. Living on a vampire's diet. No, no, no, no, no, no. Voici maintenant les nouvelles avec Bruno Corbin. Corbin, Corbin, Corbin. Les nouvelles. Alors, c'était le thème joyeux des nouvelles parce que c'est la bonne nouvelle, Corbin. Un professeur de l'université Umeå en Suède s'est fait voler son laptop contenant toutes ses données de recherche accumulées dans les 10 dernières années. Le professeur qui souhaite rester anonyme serait l'un des plus importants dans son domaine. Il avait laissé son sac derrière la porte de la buanderie quelques minutes et en revenant, le sac était disparu. L'homme a alors appelé la police, annulé ses cartes de crédit contenues dans son sac. Mais quelle ne fut pas sa surprise de retrouver son sac quelques minutes plus tard à l'endroit où il l'avait laissé. Seul son ordinateur manquait. Malheureusement, le professeur n'avait pas fait de copie de ses données. En 10 ans, bravo. Voilà. Environ une semaine plus tard, il a reçu une enveloppe contenant une clé USB avec le contenu total de son ordinateur. Ça me donne de l'espoir en l'humanité, aurait-il affirmé. Fait que ça veut dire que c'est devenu un événement assez important là-bas pour que tout le monde soit. Ah, ben, il devait avoir son adresse ailleurs dans le sac avec l'ordi. C'est les plans pour une bombe. Ouais. Ben, tant mieux pour lui. Moi, c'est des plans cool. De quoi? Il n'y a personne qui le sait. Non, on ne sait pas pourquoi. C'est un professeur qui fait des affaires. C'est un professeur qui fait des affaires dans une université. OK. Puis qui fait de la recherche, puis qui veut faire des backups. C'est la bonne nouvelle, Corbin. Ouais, exactement. Moi, je me rappelle le professeur qui avait pris des photos de ses repas pendant toutes les 40 dernières années de sa vie. Oui, c'est pas pire, ça. Mais j'en ai un papier qui fait des affaires de même aussi. Les 22,1 grammes de mousse de nombril de Graham Barker amassé depuis 1984 lui ont valu une place dans le record de livre des records Guinness. Sa motivation était la curiosité. Un soir, il jouait avec son nombril et s'est demandé combien de mousse une personne pouvait accumuler dans une vie. La seule solution, la collectionner pendant un petit bout de temps et le découvrir. Les sous-vêtements thermiques produisent le plus de mousse, affirme l'homme, qui sépare sa mousse. Qui sépare sa mousse en code de couleur. Un musée a offert une somme non révélée à l'homme pour 3 de ces genres de mousse. Le matériel est sans valeur, mais c'est un record mondial unique et un morceau d'héritage culturel au mérite discutable, mais qui a une valeur à titre de curiosité, a affirmé l'homme. Oh, God. Merveilleux. Voilà. Ça me rappelle le gars à Ottawa qui avait rasé la moitié de sa face pour voir si ça faisait qu'il y avait plus froid. Ouais. Puis il avait été faire du ski, puis il avait conclu que. Il y avait plus froid. Il y avait plus froid du côté qu'il n'y avait pas de barbe. Ah ouais, j'ai surpris. Ils vont y faire une statue. Il avait aussi découvert que ça fuckait un petit peu l'aérodynamisme d'avoir de la barbe juste d'un bord. Pour vrai? Ouais. Ben c'est pour ça que miracle d'évolution, on a tout le temps de la barbe des deux bords. Ouais, exactement. Bon Dieu, pas fou. Non. Il y a aussi le scientifique là, qui a mis, voyons, plus que de taux, plus que d'embouteillage. Là. Ah ouais, oui. En circuit fermé. Non, non, c'est que plus que les distances entre les autos s'agrandissent, plus que tu as de risque d'avoir des embouteillages. Mais il a fait ça en circuit fermé. Ah oui. Ben ouais, oui, il a commencé avec 3 autos, il n'y avait pas d'embouteillage. Après ça, il a rajouté une 4e auto. Ça a commencé à aller moins bien. Il a mis une 5e auto. Là, fait que là, les distances, ils cumulent mieux. Hey, merci beaucoup, Bruno. T'en as-tu une autre que tu veux faire maintenant? Ben ouais, vu qu'il est l'heure. Veux-tu booker tout? Ben, ouais, je vais booker ça, c'est bon. Tu pourras t'en aller après. Nehime et Rakan, 2 bébés singes âgés de 7 et 2 mois, ont commencé à travailler à la station de train Hojocho au Japon. Les primates ont reçu le titre de maître de station et ont chacun un uniforme bleu avec le casque jaune pour confirmer le tout. Les singes appartiennent à un résident du coin qui a proposé l'arrangement afin que la station opère le premier train au biodiesel reçoive plus de visiteurs. Surprenamment, ce n'est pas la première fois qu'une station de train engage un animal à poste de maître de station, puisque Tama, un chat, est engagé à la station Kishi en 2006 et la quantité de passagers a augmenté de 17% l'année suivante. Mais voyons donc. Voilà. Mais tu sais, c'est des Japonais, ouais, fait que tu sais, c'est ça, c'est pas pareil, là. Non. Oui, ça, c'est ça. C'est la seule manière qu'on peut espérer s'en sortir. Hey, ben merci beaucoup, Bruno. Un plaisir. Moi, je pense que le monde a grandi et que le professeur aurait eu ses recherches importantes. Ben, si je peux faire un lien entre cette nouvelle-là et le cas de Rémi FX, savez-vous que si vous vous faites comme voler de quoi puis que vous mettez une annonce du genre « Venez me le reporter ici, puis aucune question sera posée, puis on fait semblant de rien », c'est illégal, faire ça. Ah ouais? Une autre loi weird dans le code criminel canadien. Fait que t'as pas le droit de encourager un voleur à juste venir te remettre ce qu'il t'a volé en disant c'est beau, après on n'en parle plus. Ah, il t'as doit pas le droit faire de, face à la justice. T'as pas le droit de mettre de 25 cents dans le par commettre de quelqu'un qui sait pas ton char aussi. Ah ouais, t'as pas le droit, ça. C'est un règlement municipal, ça, j'imagine. Ouais. C'est comme aider un coupable à se sauver de la justice. C'est ça, exact. Ouais. Ouais, fait que c'est ça. Ça se fait pas, man. Non. Hey. Voilà. Wow. Sinon, c'est le chaos. Il y avait un policier qui m'avait déjà averti pour ça, en fait. Ah oui, parce pour que j'étais en train de le mettre, puis il a fait « Hey, t'as pas le droit. » Je fais « Ben, ça pourrait être mon char. » Ouais, faut que tu le prouves. Mais... pas le tien, fais pas ça. C'est ça, t'as vraiment pas l'air de quelqu'un qui conduit une Prius. Par exemple. Aïe, aïe. Eh ben, Étienne, tu vas nous amener dans le monde fabuleux du téléphone secret tranquillement. Tranquillement, pas vite, mais avant, j'ai des mails, mesdames, messieurs. On a reçu un mail la semaine passée que j'ai oublié de lire, puis un autre cette semaine. Donc, D'ailleurs, moi je pensais vraiment que c'était une blague, mais je salue la maman Julien Bernatché. Bonjour, maman, et je la remercie d'avoir fait, d'avoir pas lésiner ses coins, mettons, là. De Yéco de Julien. Ah oui. Mais bonne job. On est 5 en plus. Ah hein, oui. Ben oui. Ouais, c'est la Bernatché Army. Hein. T'as-tu des sœurs? J'ai 3 sœurs. Sont-tu. Sont majeures. Sont-tu chicks? Non, je voulais pas savoir si c'était chicks, je voulais savoir s'ils étaient disponibles. Oui, il y en a une, tu l'es, je pense. Ah, on se rejase. Ah oui? Elle s'appelle-tu Julienne? Non. Je l'inviterai au Bigfoot. Madeleine. Salut, Madeleine. On la salue, ben oui. Oui. Bon, alors, la semaine passée, celui que j'ai oublié, c'est Lilian Schutt, c'est dommage, hein, notre premier fan qui a communiqué avec nous de ses propres moyens, qui me disait « J'ai essayé de te soutenir, il me sent à moi, avec ma préférence affirmée pour ta rubrique, c'est un soutien mérité, mais demande à Julien de faire une chronique sur l'univers Marvel. » Alors voilà, la demande est passée. Ah, je connais rien là-dessus, fait que ce serait une très bonne idée. Ça serait parfait, hein? C'est ça que je me suis dit. Sinon, on a une demande spéciale de Maxime Samuel qui nous dit « Salut, j'écoute l'émission depuis quelques semaines et j'ai une demande spéciale. Je suis tombé sur l'émission il y a 2 ans environ et j'avais écouté celle où vous faisiez jouer un radio-roman de la vie de Batman, Le Tout fait au Québec. Oh, » Batman se marie, c'est ça qui parle. Pourriez-vous en faire jouer quelques extraits? C'était excellent, tout en majuscule avec des tirets. Et puis, on va garder ça pour la semaine prochaine, mais pour moi, mettre des extraits. Secondes, là. Ouais, deux extraits. Votre mari veut vous parler en bas. Venez par ici. Comment? À travers cette horloge grand-père? Quelle étrange entrée pour un sous-bossement. Oh, chérie, Batman est mon mari? Je suis la femme la plus chanceuse du monde. Oui, Cathy, mais il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes, Cathy. En te révélant mon identité, j'espère que tu vas comprendre pourquoi je ne peux risquer ta vie et la mienne. À partir de maintenant, Cathy, Batwoman devra se contenter d'être comme Madame Bruce Wayne, une femme de maison bien ordinaire. Et voilà. C'est l'affaire la plus haute de tous les temps. C'est incroyable. Est-ce que ça a l'air fatigant de parler dans Batcave, en tout cas? Oui. Bon, sinon, j'ai ici avec moi un... tu sais, mettons, là, toute la journée, là, tabarnak. Le téléphone secret, c'est un magnifique jeu de société complet qu'on va vendre à l'encan douteux du 20 novembre prochain. Donc, j'aime ça, les jeux de société douteux. On en a eu plein cette année, ça, en plus. C'est incroyable. C'est du board game, c'est ça. C'est vraiment beau. Le principe, c'est un jeu un peu genre clou, sauf qu'au lieu d'essayer de trouver le colonel Moutarde dans le salon avec le gun, parce que ça pourrait corrompre les mœurs, à la place, ce qu'on fait, c'est que on est toutes des filles, puis on essaie de trouver c'est qui notre admirateur secret. Fait que le concept, c'est que il y a toute une grosse gang de gars dans notre lycée, mettons, puis là, il y en a un qui trippe sur nous, la fille, puis en fait, qui est toutes les joueuses en même temps, parce qu'il y en a juste un à trouver. Puis, il a pas osé le dire à la fille que nous sommes tous. Et puis, à la place, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé de le dire à tous les autres gars, mais en leur disant « dites-y pas là ». Fait que là, les gars, ce qu'ils font, ben, c'est que toutes les filles, en fait, la fille que nous sommes, on l'appelle les gars un par un. Puis là, il nous révèle un petit indice sur notre admirateur secret. Puis en fait, plus loin que ça, le gars, il a dit à chacun de ses amis un indice en particulier à dire à la C'est fille. Ça, pour pas qu'ils disent toutes la même c'est affaire. C'est ça, là. C'est ça. Ils disent tous chacun quelque chose de différent. Fait que là, ben, chacun, à tour de rôle, on joue des cartes pour essayer d'appeler des gars. Puis là, on prend le vrai téléphone rose qu'on a ici, qui marche pour vrai, que les batteries sont dedans, puis fonctionne. Puis ils nous disent des petits indices. Par exemple, ici. Il aime le sport, mais pas le football. Pèse sur zéro avant, ça fait le haut-parleur. Ouais, alors on met ça sur le speakerphone et on appelle, par exemple, Patrice à la plage. Ah, pas lui. Au 555-5515. Salut. Il aime à peu près tout, sauf les glaces. Ah, fait qu'il aime pas la crème à la glace. Il aime pas la crème à la glace. Il aime tout sauf la crème à la glace. Et voilà, à peu près tout. Fait que là, ça, on a un indice sur lui. Fait que là, on peut, mettons, plus tard dans le game, on peut dire, je vais appeler Bruno, voir s'il va arriver à l'heure. Avec ma toune. Écoutez la toune de Bruno, le numéro de Bruno, fait une belle toune. T'as-tu mis le speaker avant? Il aime le sport. Attends, speaker. On recommence. Il aime le sport. On remet la toune. Ok. Il déteste les enfants. Allô? Bonjour. Il aime le sport. Mais pas le football. Puis si tu passes l'étoile, tu fais redial, puis il dit encore toi. Oui, en effet. T'as joué beaucoup, Israël. Allô? Bonjour. Encore une fois. Il aime le sport. C'est moi tout craché. C'est exactement Bruno. Fait que là, ils sont tous de même, un par un. Il y en a qui sont taquins aussi. Il y en a qui disent « Je sais qui c'est, mais je ne te le dirai pas. » Eh oui, des fois, t'as des taux perdus. Oh, que de rebondissements. Même si tu dis non, il te mettra un doigt. Si vous avez des plaintes à formuler, 70% à gmail.com. Donc, voilà, on a le jeu complet, le téléphone qui marche, toutes les cartes, le board, les instructions, puis vous avez tout ce qu'il faut pour une belle soirée entre amis, et puis ça va être en vente à l'encan, ne manquez pas ça. C'est fun, parce que c'est vraiment fait pour se rapprocher, hein. C'est pour écouter les deux le téléphone en même temps. Ouais, c'est ça. T'as quelqu'un qui a l'air d'avoir une voix vraiment suavée de l'autre bord. Ouais, une voix réaliste surtout. Là. Ils ont toutes la même voix. Oui, vrai. Oui, disons, ils ont tous la même voix de Commodore 64. Puis si tu es un des gars dans la liste, le gars? Oui. Okay. En fait, quand que tu réussis à trouver c'est qui ton admirateur secret, il faut que tu appuies sur le dièse et que tu composes le numéro du dit susmentionné gars. Essayez en un au hasard, il va dire que c'est pas lui. J'ai jamais vu un Israël enthousiaste comme ça. C'est pas vrai. Quoi que ce soit. OK, alors on va dire, mettons que c'est... Ouais, on va voir si c'est Bruno. Il adore le crack. Si c'est lui le juif. Désolé, ce n'est pas moi. Je m'en doutais bien, Bruno, il aime personne. Ouais. Alors voilà. Mettons que la babe est-ce que c'est aléatoire ou c'est. Oui, c'est aléatoire. Chaque partie du téléphone secret est différente. Tu passes sur t'as le bouton ici là, pour démarrer la game, là, puis ça reset l'affaire. Il explique très bien dans les règlements de ne pas réappuyer ce piton-là pendant la game. Ça milieu. Risque de biaiser les résultats. Oui, exactement. Y a-t-il un prix de départ pour ce téléphone-là? Parce que moi, je suis intéressé. Ah, ben écoute, le prix de départ, ça va probablement être quelque chose comme 5$, mais ça risque de monter, là. Je sens que ça va. On n'oublie pas qu'il y a toutes les règles, toutes les cartons, puis toutes les règles sont là. Puis ce qui est bien, c'est ça, c'est qu'ils disent faites attention, surtout, appuyez pas sur la touche nouvelle partie, parce que sinon, ça va tout effacer, puis il faut recommencer. Puis ça dit aussi si vous ne vous servez pas du téléphone pendant 5 minutes, il s'éteint, puis tout est perdu. Fait que si jamais il y a une fille qui doit partir pour quelques instants, continuez de jouer sans elle, surtout, parce que sinon, vous êtes foutu, vous ne pouvez pas l'attendre. Fait que ça rentre dans la catégorie « Mon interface est nulle à chier, donc je fais de la bonne documentation. Oh, » voilà. Juste du lait va se débloquer un budget, mettons. Ah, c'est bon. On va être là. Mais t'as de la compétition parce qu'il y a Virginie ici qui me dit qu'elle aussi, elle voulait vraiment beaucoup l'acheter puis qu'elle va se ramasser de l'argent avec une gang de filles. Prête à aller jusqu'à 5,75. Il y a une fille que je me pogne qui me coaxait de l'acheter pour elle aussi. Fait que la compétition... Moi, en général, je suis bon pour faire monter les enchères dans ces affaires. Oui, effectivement. Juste là, 193 fans, donc on est capable de se ramasser un une pièce chaque, mettons. On est capable de ramasser un bon budget. Bon, ben voilà, le défi est lancé. T'en avais-tu un autre, toi? T'as fait les demandes spéciales, puis. Ouais, ben je peux mettre une toune, peut-être. Moi, je vais entendre les vampires qui chantent encore. J'aime ça, les vampires qui chantent. Moi, j'aime Freddy qui chante personnellement. Ah oui. Moi, je dis, gars, prends-en encore un 3 minutes. Là, on va dire merci à tout le monde, faire les indicatifs sur ta toune que tu vas mettre là. C'est bon. Puis après ça, ben on mettra la toune à Danny pendant que. Tout le monde s'en va. Après ça, je mettrai mon. Il me reste un bout de texte. Après ça, on va. Je le lirai à la fin, là. on va se débrouiller, le rendu. C'est là. Ça, on verra. Surprise. Menton. Donc, je vais partir à la demande générale de Predge, Gene Moss and the Monsters, qui chante I Want to Bite Your Hand. C'est excellent. J'ai compris le jeu de monde. Oui. Je sais pas si tout le monde a compris à la maison. Ah oui, un vampire, en fait Dracula là, dans les albums d'Halloween, j'ai cru remarquer, il chante jamais. T'as toujours l'impression qu'il parle. Dracula ne chante pas. Dracula slam. Pas descendre ici bas. C'est pas pas dans le cou qu'il est mort d'habitude, je sais pas. Ouais, mais ça dépend. Tu sais, à un moment donné, quand tu vis éternellement, tu cherches à renouveler un peu le genre. Mettre de l'épice. Tant qu'il y a du sang, hein. C'est ça. Je pense qu'il goûte différent. Hein. Hey, ça doit être weird d'un char. C'est une tonne de road trip. Ouais. Je pensais pas être capable de réécouter des Beatles et trouver ça intéressant avant longtemps. Ah ouais, tu trouves ça intéressant? Ben, c'est spécial. C'est vrai. C'est spécial. Une digne de mention. Ok, c'est assez, je pense. Les indicatifs, là. Ouais, ouais, Rémi Couture. Prends le weapon, man. Use the axe and plug yourself ou dis 70% ça suce, puis je sais pas pourquoi tu tires ce que tu veux. Hein. Rémi est fixe en direct de Bordeaux, on écoute 70%. Excellent, ça, les gars de Juste du lait, ils ont de quoi de l'autre bord aussi? Ouch. Ouais, on est la team Juste du lait de Sherbrooke. Yeah. Vous écoutez 70%. Libère. Yeah. Represent. C'est bon, ça. Je sais pas si on peut le faire all air. Tu peux le faire si tu veux, on va garder la première. Pardon? Veux-tu en mettre une autre chanson? Hein? Ben, je peux certainement en mettre une autre. Ben, oui. Démontre-leur à quel prépare point. Ton... Il y avait des mondes dans ta phrase. Jamais. Ok, c'est bon. On va mettre un Dracula ici qui chante bien. Prépare ton spécial de l'Halloween la semaine prochaine parce que ça va être toi et puis Predge qui allait avoir le contrôle de la contrôle. Ah, ben on a du stock en masse. Predge a trouvé tellement de belles choses. Le console de la contrôle. Bon. Fait qu'on a Sheldon Allman ici qui chante A Coffin for Sale. Qui chante Black Casket with Every Dream Gone. Ça me rappelle un peu Frédéric de Grand Prix, mais mort. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est tiré de l'album Sing Along with Drac. Exactement, Sing Along. And my heart grows heavy. Fait que là, t'imagines les enfants, mais ils ont... My gaze upon. A coffin for sale. Hey, coffin for sale. On dirait ça des cassettes pas. Pour c'est apprendre à parler anglais. Mais avec tout l'album est comme ça. Tout l'album, c'est juste ça. Il y a de la musique ordinaire, là. En fait, le c'est son frère... au à Dracula qui joue le drum puis au piano non c'est pas vrai, au piano c'est son frère puis au drum c'est un loup-garou. C'est ça le concept. Ils ont choisi le meilleur des loups-garous sûrement. Puis la seule chanson où quelqu'un chante, c'est l'interlude. Il dit on va prendre une pause, puis là il chante pour vrai. Hey, Étienne, moi je dis déplug pas ta machine tout de suite. Okay. Parce que je vais lire la fin de mon texte pendant que les amis y sortent. Puis après ça, on va mettre la toune de Danny Daniel après que j'ai lu mon texte. Oui, hey, faut pas l'oublier. Donc, Julien Bernatché, merci beaucoup. Bien sûr. Merci, Maman Bernatché, de nous écouter. On a de Israël Trudeau. New York Knicks! Et voilà. la gang de Juste du Lait, on s'en va avec le reste de la gang au brouhaha. Merci beaucoup d'être là, David, Emmanuel. Et puis, bien sûr, Yoann. Fais dire salut à Bruno là-bas. Ouais, fais attention à toi. Music Country. All right, Kate qui est là au complet. Ouais. Bonjour. C'est pas mal ce que je peux dire. Rémi, on est avec toi. Allez sur. Encourager la cause. Yeah. Bah ouais, allez signer où la pétition. Où est-ce qu'on peut aller pour la pétition? On peut aller sur Facebook, tous les renseignements sont là, ou sur la page, sur le site qui est maintenant temporairement fermé, mais on a accès aux informations innerdepravity.com. Et voilà. Merci. C'est merci bien dit. Merci bien, merci, gros. Bonne chance plus. Là-dedans. Virginie, merci d'être là. Predge, fais attention à toi. On va essayer. Simon, présent. Et puis, ben, Étienne Forêt, là. Ben oui. Toi, reste pas trop loin. Je lis mon petit texte. On parle du film, là. On revient sur le film en particulier. Qu'est-ce que c'est, ce film-là? À qui ça s'adresse? Pourquoi le personnage de la sœur se plaint tout le temps? Comment faire pour en arriver à être aussi con que les membres de la famille d'Eddie, notre héros? Je l'ai vu deux fois dans les deux derniers mois et je n'ai aucun début d'hypothèse. En gros, l'histoire, c'est que Eddie emménage dans une maison pluguée sur les enfers. Il rencontre une vampire, un loup-garou et une autre bonne vingtaine de déguisés cheap qui veulent faire de lui la réincarnation de Satan, maître du monde. C'est là que ça devient weird, parce que si on parle de rituels démoniaques, de possession, de démons, de dévorer des gens vivants et de manger ses parents, l'ambiance générale du film en est une de comédie. Oui, c'est fait pour faire rire. Je dis pas que ça va faire rire, je dis qu'ils ont tenté de faire quelque chose qui fait rire. Plus drôle que Bételgeuse qui est écrit sur la pochette. Ce qui veut dire que même si ça a l'air plus vieux et que ça vieillit plus vite que le film de Tim Burton, c'est arrivé après. Bon, j'ai dit qu'on n'était pas fait... Ben, en fait, que c'était qu'on n'était pas pour rire, mais c'est un peu faux. En fait, on va rire, mais on va pas rire avec eux, bien sûr, on va rire de eux. Plus souvent que fort, mais quand même. Et plus, en plus, ça dure seulement 75 minutes, ce qui va nous laisser du temps pour un excellent épisode de la série animée des Spaceballs. J'en ai jamais parlé de ça après le chef-d'œuvre vivotant autour de moins 5.5. On passe des demandes spéciales et quelques clips avant de se plonger dans une aberration audiovisuelle aux proportions inimaginables. Vous vous souvenez de Spaceball, la comédie de l'espace de Mel Brooks, un film très très drôle de 84 auquel je donne aisément plus 7. Eh bien, en 2007, Mel Brooks, sentant la mort approcher, a voulu nous donner un aperçu de l'enfer en produisant une série de 10 épisodes de dessins animés inspirés des personnages de l'univers qu'il avait lui-même créé 25 années plus tôt. Le résultat est à moins 7 en moyenne, 14 points plus loin que l'original. Comment autant manquer son coup? Ça nous ramène au fait que Mel Brooks n'aurait pas dû faire ça. De toute manière, on a samedi le 14 à subir avant. C'est léger, peu dense, mais faut le voir une fois dans sa vie. Surtout pour le duel final entre Satan et son présumé descendant. Et vous allez le voir ce soir parce que vous avez voté pour ça à la place de l'excellent Bloody Mallory à moins 7, que j'adore, et pour lequel j'avais écrit un texte très drôle. Mais je vous pardonne parce que vous avez été voté. Donc, c'était Tommy Godette au micro. Danny, je m'excuse encore de t'avoir accroché au nez tantôt. On écoute ta chanson là, pour le temps qui reste à l'émission. Mon cœur bat plus pour toi, je ne pense plus à toi, je ne vis plus pour toi, tu es morte pour moi, trop d'indifférence, à trop de silence, et mon âme qui balance, et les vagues qui dansent, réveille-moi de mon cauchemar d'amour. Lève-moi, prends-moi dans tous tes bras. Console-moi, dis-moi que je ne suis pas le dernier. Dans tes pas, dans tes journées, bébé. Le temps passe et l'amour s'en va, noyé dans un profond océan. Il ne sait plus où aller, t'aimer comme avant. Ses espérances, ses révérences et ses pas de danse, et ses rêves brisés,